Oui, bonjour. L'émission, elle est super. Après, sur Arium, pas un seul mot sur le son « Demain, c'est loin », alors que c'est un des morceaux rap français le plus puissant. C'est dommage. Merci. Ciao. Bravo pour cette émission sur Tom Hanks, qui, je pense, est aussi un acteur caméléon, mais qui, malheureusement, a parfois un peu de mal de sortir de sa zone de confort. En tout cas, un très bon acteur avec qui, même si les films dans lesquels il joue ne peuvent pas être bons, on est rarement déçu de sa prestation. Bonne continuation. Oui, bonjour Frédéric. Ah ben moi aussi j'ai 40 ans, moi aussi j'étais fan de l'Empire du Côté Obscur et de l'école du micro d'argent. Mais par contre je suis pas d'accord. C'était pas mieux avant, le rap c'est mieux tout le temps. Je vous suggère d'écouter Nouvelle Ère. Et dans le même style, je vous suggère d'écouter Pourquoi j'aime pas ta gueule de Cyrano, Nature morte de Cyrano, un bijou de poésie. Je voulais rendre hommage à Madame Despierre du Collège Issora à Créteil, qui, juste avant les vacances scolaires, nous avait permis de découvrir les textes de l'école du micro d'argent et de les étudier et de nous montrer que la langue française est pleine de richesses. Voilà. Oui, bonjour. Je venais vous remercier pour cette émission parce que, bon, à 75 ans, c'est la première fois que je comprends un petit peu pourquoi il y a du rap. Je me coucherai vraiment moins bête que je me suis levée. Merci. Au revoir. To be or not to be, not to be. Des fois, je réfléchis au mystère de la création et je pense que rien n'a été voulu. L'artichaut, par exemple. On sent bien que l'artichaut, c'est pas un légume qui a été pensé. L'artichaut, t'en auras toujours plus dans ton assiette que dans ta bouche. L'artichaut, c'est un légume qui te regarde droit dans les yeux et qui te dit « Dieu n'existe pas ». Tu crois vraiment que s'il existait, il aurait créé un truc comme moi ? L'artichaut, c'est un légume punk nihiliste. Alors, il y a peut-être eu une volonté initiale, un peu comme quand ma femme et moi, on a voulu des enfants. Mais après, on va pas se mentir, il y a eu une grosse part d'improvisation. Si Dieu existe, je pense qu'il a tenté un plat, qu'il l'a oublié au fond du frigo pendant plusieurs mois, et quand il s'est aperçu qu'il y avait de la vie, il a pas osé désinfecter. Je crois qu'on n'est rien d'autre que des champignons. Des mycoses avec la folie des grandeurs, accrochés à la paroi d'un frigo qu'on appelle l'univers. En plus, qui voudrait vraiment être responsable du monde tel qu'il existe ? Je vous pose la question, qui voudrait être responsable de Donald Trump ? Moi, je suis juste responsable d'une émission d'été qui dure une heure. Et au bout d'un mois, je suis en train de développer des pulsions de sociopathe. Pas une journée où les gens te reprochent pas de pas avoir abordé tel ou tel sujet, de pas avoir invité telle ou telle personne, de ne pas avoir passé leur chanson préférée ou d'avoir oublié de mentionner telle information. Quand ce ne sont pas les gens qui t'écrivent pour te dire qu'ils ne t'aiment pas et qu'ils voudraient que tu crèves. Et ça, c'est pour une émission. Imaginez maintenant que ça serait ce que ça serait si c'était toute la création tout entière. Franchement, si Dieu existe, je comprends qu'il fasse profil bas. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Pofele Nardou. Sukuni Lazar. Zeneb Kachal. Imaginez un jeu vidéo où l'on simulerait la vie. Un jeu où l'on gérerait l'existence d'une famille sans but précis, de son alimentation à ses loisirs, de son lieu d'habitation à son emploi, ses collègues, ses amours, ses joies, ses peines, tout cela jusqu'à sa disparition. Heureusement, sa descendance serait là pour prendre le relais et continuer de solliciter votre attention. Génial, me diront certains. Complètement absurde, diront d'autres. Pourtant, ce jeu existe bel et bien, il s'appelle Les Sims et constitue la franchise de jeux vidéo PC la plus vendue avec plus de 100 millions de jeux vidéo distribués sur la planète. Pour revenir sur ce phénomène, je suis entouré par NS, bonjour. Bonjour. Vous êtes youtubeuse et vous avez dédié votre chaîne YouTube aux Sims. Absolument. Tout simplement. Également avec nous, Alix Martineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice pour le site Mademoiselle. Exactement, oui. On ne la présente plus, mais si, quand même. Océane Zerbini, bonjour. Sous-sol, Frédéric. Voilà, vous êtes fondatrice du podcast The Lemon Adaptation Club. Tout à fait. Et enfin, mon comparse, l'autre co-animateur. On commence à être nombreux à co-animer cette émission. Oui, on est beaucoup. Hein. Oui, on s'aime bien. Oui, on s'aime bien. Olivier Bénis, journaliste à France Inter, spécialiste en jeux vidéo. Et vous tenez d'ailleurs l'excellente chronique La Faute aux jeux vidéo pour France Inter. Et bonjour, Frédéric. Ensemble, on reviendra sur ce concept de simulation de vie qui n'a cessé de se développer au fil des ans et des épisodes. On tentera de comprendre l'intérêt sans cesse renouvelé d'un jeu qui n'a finalement pas de but à atteindre, les vertus thérapeutiques des Sims, la manière dont la personnalisation extrême de ce jeu a fait son succès et a même boosté la créativité des joueurs qui ont créé leur propre version des Sims. Mesdames et messieurs, prenons le temps de découvrir ensemble ces Sims, car ils en disent tellement long sur nous. Bebe Kate. Alors, il faut préciser aux éditeurs que tous les extraits du jeu seront passés en version originale. Et là, vous avez donc entendu en version originale un sim dire « Like it !» Et en français, ça voulait juste dire « At the topo !» Voilà. Donc, Olivier Bénis, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que ces sims? Alors, les Sims, c'est une des premières, si ce n'est la première, en tout cas celle qui a rencontré le plus de succès, ce qu'on appelle un simulateur de vie. Donc un jeu vidéo qui consiste à reproduire la vie réelle de la manière la plus fidèle possible et de permettre aux gens de créer un ou plusieurs petits avatars, alors soit qui les représentent eux, soit qui ne les ressemblent pas du tout, qui sont complètement différents, et soit de les regarder vivre, ce qui peuvent être plus ou moins autonomes, gérer, se faire à manger, aller au travail et tout, soit leur dire bah, « va plutôt parler à ta voisin, va plutôt faire ça, fais ça à manger, jette les déchets, range ta chambre », enfin tout ça. Donc voilà, c'est simuler la vie et c'est un jeu, enfin comme on le disait, comme tu le disais tout à l'heure, c'est que ça peut paraître être un concept complètement absurde. C'est même d'ailleurs comme ça que ça a été reçu au départ, parce que le créateur du jeu qui s'appelle Will Wright a eu beaucoup, beaucoup de mal à convaincre l'éditeur, enfin à convaincre ses patrons qu'il fallait faire ce jeu. Et au final, il avait eu une bonne intuition, c'est que ça a cartonné et ça a surtout amené beaucoup de nouvelles personnes aux jeux vidéo via ce truc qui reproduisait finalement ce qu'on faisait dans la vie réelle. Enes, c'est vrai que quand on pose le principe des Sims, c'est-à-dire simuler la vie et regarder des gens vivre comme ça, j'imagine que pour les éditeurs qui n'ont jamais joué une seule fois aux Sims, ils doivent se dire mais quel est le plaisir qu'on peut ressentir à regarder ça? Bah, c'est peut-être justement de ne pas regarder et d'influencer leur vie en leur faisant faire des choses complètement absurdes. Et ce qui est bien, c'est que justement, les développeurs du jeu font en sorte que le jeu reste absurde. Et il y a des interactions qui sont incroyables et c'est drôle, ça fait rire. Voilà, c'est un jeu qui fait rire. Il y a vraiment l'aspect comédie avant toute chose. Absolument. C'est une sorte de caricature de nos modes de vie occidentaux, en fait, un petit peu. C'est ça, mais à la fois, ça peut quand même rester très réaliste. Si on a envie de jouer de manière réaliste, on peut jouer de manière réaliste et il y a même plein de créateurs externes qui rapportent du contenu pour que ce soit encore plus réaliste. Et c'est un jeu qui est quand même très ouvert par rapport à plein de choses et qui permet de... Il n'y a pas de limite, il n'y a vraiment pas de limite avec ce jeu. C'est ça qui est intéressant. Océane, la rencontre avec les Sims, c'est arrivé vers quel âge ? À 12 ans. À 12 ans avec les Sims 2 que mes parents m'avaient offert à Noël, je me souviens encore de la grosse boîte avec les 4 CD dedans qu'il fallait installer, ça prenait des heures et des heures. Et avoir les Sims à 12 ans, ça permet aussi de développer son imagination, ses aspirations et de se créer en se disant « est-ce que ce sera moi quand je serai adulte ?» Moi, je me suis très souvent créée dans les Sims en me faisant avoir plein de carrières différentes, mais c'est vrai qu'à chaque fois, je revenais à celle que je voulais avoir. Donc c'était amusant de se créer à 12 ans et même à 26 ans aujourd'hui, je me recrée toujours. Mais avec une vie un peu plus adulte, c'est ça, avec mon copain et mes chats, et c'est ça qui est amusant aussi. Oui, parce qu'il y a cette dimension dont on n'a pas parlé, c'est qu'au fur et à mesure des épisodes, on a eu la possibilité d'introduire des animaux, les Sims ont pu avoir des enfants, ils ont pu vieillir, des enfants qui avaient des traits caractéristiques qui ressemblaient à ceux des parents. Alex Martineau, vous, la rencontre avec les Sims, c'est arrivé sur quel épisode? Alors moi, c'est arrivé, je pense, vers l'an 2000, parce que ma mère jouait aux Sims. Donc en fait, je la regardais jouer de derrière, parce que j'avais pas le droit de regarder, donc je regardais derrière la porte. Elle jouait pendant des heures en fait, parce que c'est un jeu vidéo extrêmement chronophage, et quand on est dans une partie, c'est super dur de s'arrêter. Enfin moi, je passais parfois 8 heures à jouer, donc voilà, j'ai eu les Sims 1, en fait, la première édition, où c'était vraiment plus la vie réelle, c'était plus réaliste, entre guillemets, et puis après, au fur et à mesure... Il y a différentes manières de jouer qui apparaissent avec les Sims 2, auxquels j'ai joué aussi, et les Sims 3 encore plus, et 4 encore plus. Et alors, j'aimerais qu'on revienne sur le personnage de Will Wright qui a créé les Sims. Il avait fait des études d'architecture, je crois, et son premier jeu, il prenait beaucoup plus de plaisir à créer des villes qu'à créer, je dirais, la vie des personnages ou des événements qui arrivaient dans cette ville. En fait, Will Wright, c'est le mec qui a failli être l'homme d'un seul jeu. C'est-à-dire qu'il a eu une idée géniale à la fin des années 80, qui était d'imaginer un jeu où on créerait et on gérerait une ville en tant que maire, mais une sorte de maire qui aurait vraiment des pouvoirs très étendus, qui pourrait contrôler précisément où se trouve tel bâtiment et tout, et ça s'appelait SimCity. Et ça a été un énorme carton qui a fait la fortune de son éditeur. éditeur et de lui-même d'ailleurs. Et puis un jour, alors la légende veut qu'au début des années 90, en fait, sa maison a été prise dans un immense incendie de forêt. Et donc il a tout perdu en fait, sa maison. Alors heureusement, il n'y a pas eu de victime, mais sa famille s'est retrouvée un petit peu à la rue, sa maison a cramé. Et quand il a refait sa nouvelle maison, il a fait construire ailleurs, il a réaménagé les meubles, il a tout repris à zéro. Et il s'est tellement, quelque part, amusé à faire ça, il est parti, en fait, il s'est dit, je vais faire une maison de poupée, mais à taille humaine avec sa femme. Et il s'est dit, ce serait génial de pouvoir faire ça dans un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de brûler sa maison pour y arriver, de pouvoir tout repartir à zéro. Ils font quoi l'investissement de départ? Ça devient compliqué, très même quand on est un peu riche comme lui. C'est pas simple, il y a bien un petit côté valeur sentimentale quand même. Et il a commencé à faire ça, il a commencé à présenter ça à ses patrons, donc l'éditeur Maxis, qui a pas très bien compris l'idée, qui s'est dit je vois pas bien ce que tu veux faire précisément. D'ailleurs, enfin les autres employés se moquaient de lui en disant que, enfin en surnommant son jeu The Toilet Game, parce qu'il avait dit qu'on pouvait aller aux toilettes dans le jeu, et donc tout le monde se moquait de lui à cause de ça. Et puis ça a changé, son éditeur a été racheté par un autre plus gros qui s'appelle Electronic Arts, qui a un peu viré pas mal de gens en arrivant, mais qui l'a écouté cette fois-ci, qui s'est dit, on n'est pas totalement convaincu, mais on va te confier quand même une équipe. On va te donner une équipe d'une cinquantaine de personnes et tu développes ton jeu. Il a développé ça en parallèle de d'autres épisodes de SimCity, parce qu'évidemment pendant ce temps-là, la vache allait, c'était les SimCity. Et il a fini par sortir le jeu au début 2000 et il s'est trouvé que ça a été un carton absolu dès le départ et que finalement Electronic Arts s'est dit on a vraiment bien fait d'écouter ce mec qui avait l'air un peu fou au départ. Voilà, donc il était l'homme de SimCity et il est devenu aujourd'hui l'homme des Sims, quoi, très clairement. Et le premier épisode des Sims était assez limité, NS, en termes de gameplay, en termes de possibilités. Moi, pour le premier épisode, j'en ai vu que des vidéos assez récentes où des personnes le redécouvrent justement, j'y ai pas joué. Mais c'est vrai que c'était différent dans le sens où, vu que c'était le premier jeu de ce genre, vu qu'il n'y avait pas eu un Sims avant, ben il pouvait faire un peu ce qu'il voulait, il pouvait partir dans tous les sens. Et plus ça allait, Sims 2, Sims 3, Sims 4, plus il y avait des attentes par rapport aux Sims précédents, mais aussi des attentes pour avoir du contenu supplémentaire. Donc oui, avant on pouvait faire beaucoup moins de choses, mais il y a aussi des choses qu'on pouvait faire avant et qu'on ne peut plus faire maintenant. Des interactions un peu loufoques ou des contenus additionnels qui ont été dans les premiers Sims et qui ne sont pas ou pas les mêmes du tout dans les Alors, Sims 4 ou 3. Alors précisons, les contenus additionnels, en fait, ce sont des choses qu'on rajoute, qui se rajoutent au jeu. Une fois qu'on a déjà le jeu de base, on peut rajouter des extensions qui C'est permettent ça. De compléter tous les objets qu'on peut par exemple, mettre dans sa maison, etc. C'est ça. Donc il y a différents types de contenus additionnels, en fait, qui vont, selon le prix, apporter plus ou moins de contenu. Et soit ça apporte simplement des objets et des habits, soit ça apporte des objets, des habits et du gameplay. Et quand ça apporte souvent objets, habits, gameplay, nouvelle ville, et vraiment que le gameplay est très poussé, là c'est les extensions qui sont les plus chères et c'est là où il y en a le moins, mais qui sont très complètes. Alors on va continuer de parler des Sims, mais pour l'instant on va écouter Boris Vian avec la complainte du progrès. Autrefois pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio. Une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteaux. Une tourniquette pour faire la vinaigrette. Un bel aérateur pour bouffer les odeurs. Des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux. Et nous serons heureux. Autrefois s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant que voulez-vous, la vie est si chère, on dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou. La tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves-savates, aux canons à patates, à l'éventre tomate, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide, et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. C'était Boris Vian avec la complainte du progrès dans Blockbuster sur France Inter. Nous sommes toujours avec la youtubeuse NS Alix Martineau, rédactrice pour Mademoiselle, Océane Zerbidi du podcast The Lemon Adaptation Club et Olivier Bénis, spécialiste en jeux vidéo à France Inter, pour parler des Sims. Parlons justement de Sims 2. C'est le moment où on a commencé à introduire la notion d'envie et d'aspiration pour les Sims. Est-ce que vous pouvez développer pour les gens qui ne connaissent pas à quoi ça correspond, Océane ? Alors, les envies, en fait, un Sim dans sa vie va vouloir avoir des envies. Donc, qui sont des plus banales, c'est-à-dire parfois manger un sandwich au fromage fondu, parfois vouloir avoir des enfants, vouloir se marier. Et vous mettez ça sur le même plan, on est d'accord ? Oui, exactement. Exactement. Et d'ailleurs, il y a même une aspiration fromage fondu qui existe. Et en fait, c'est-à-dire que le Sim est obsédé par le fromage fondu. Une sainte inspiration que je trouve assez noble. Et donc, en fait, les envies permettent, si on les réalise pour les Sims, de leur faire gagner des points. Et ces points font gagner des objets qui peuvent donner des aspirations et des compétences aussi un petit peu exceptionnelles. Et donc, c'est un concept qui apparaît avec les Sims 2. Et c'est assez ludique parce que ça n'est jamais la même chose. C'est-à-dire que ça peut toujours avoir de nouvelles envies au fur et à mesure de la vie. C'est-à-dire que quand on a un bambin, bah, il va vouloir faire ses besoins sur le pot. Quand il sera enfant, il voudra se faire des amis. Quand il sera adolescent, il voudra pécho sa première copine. Et à chaque fois, au fur et à mesure des âges, en fait, chaque Sim a de nouvelles envies. Et donc, c'est une occasion de gagner encore plus de points. Et donc, c'est vrai que selon l'importance de l'envie, on gagne de plus ou moins de points. C'est-à-dire que pour se marier ou avoir des enfants, c'était 8000 points. Pour manger un sandwich, c'était 500 points. C'était quand même assez différent. Ah oui, mais le différentiel n'est pas si énorme que ça. Bah, non, sur le recul, sur le oui, sur. Ouais, je vais juger l'éducation de mes enfants à l'aune des sandwichs au fromage désormais. Et alors. Il y a cette dimension donc d'aspiration, mais aussi ce qu'on appelle la pyramide des besoins, où il faut que le Sims ait de quoi d'abord se nourrir, qu'il puisse dormir, et puis ensuite il va falloir qu'il puisse travailler pour payer sa maison, parce que grosso modo, il y a quand même un accès à la propriété très capitaliste chez les Sims. Olivier Bénis. Oui, alors c'est marrant parce que j'allais dire justement que les Sims 2, c'était le moment où les Sims passaient d'un système un peu soviétique, où on ne pensait que aux besoins à la fois du pays, donc le travail, les choses comme ça, et les besoins vraiment physiques du Sims qu'il fallait gérer pour qu'il survive, hein, tout simplement. C'est-à-dire que le but, c'était qu'il se noie pas dans sa piscine ou qu'il ne brûle pas avec sa gazinière en faisant son sandwich au fromage. Et les Sims 2 et les suivants, on arrive aux envies qui sont effectivement des envies très capitalistiques. C'est-à-dire que les envies du Sims, c'est surtout d'avoir de nouveaux meubles, une belle télé, une grande piscine, de pouvoir inviter ses amis et briller en société. Enfin, il y a quelque chose de très très possession, mais c'est marrant parce que ça se retrouve aussi dans la manière dont le jeu est vendu lui-même. C'est-à-dire que le fait d'avoir justement toutes ces extensions qui permettent de rajouter des choses, ça fait que bah, quelque part, les gens qui jouent aux Sims sont eux-mêmes un peu des Sims qui vont gagner de l'argent en travaillant pour pouvoir acheter de nouvelles choses pour le Sim. Voilà, c'est une espèce de boucle sans fin en fait, les Sims. Est-ce que les Sims sont moches? Ils peuvent être moches? Très laids. Parce que oui. J'ai vu beaucoup de vidéos de jeux et ils sont quand même assez souvent bien faits, etc. Est-ce qu'il y a vraiment une diversité de physique dans le jeu? Absolument. On peut étirer les traits de manière assez laide. Et après, il y aura toujours ceux qui disent que la beauté est subjective et tout ça, mais on peut vraiment faire des horreurs, en fait, des monstres. Et pareil, toujours en rajoutant des modes, on peut encore plus les rendre monstrueux. Mais oui, on peut faire des horreurs, mais des horreurs, vous imaginez même pas. Non, mais vraiment, hein, c'est... Je rebondis là-dessus aussi, c'est que ils ont fait justement il y a quelques temps une bande-annonce pour les Sims 4 qui est sortie il y a quelques temps déjà, mais ils continuent à faire des vidéos pour dire que justement le fait que l'éditeur de personnages, l'éditeur de Sims soit de plus en plus avancé permet effectivement de faire des choses parfaitement horribles, mais permet surtout de faire des Sims qui ressemblent aux gens, y compris dans leurs différences, des gens très petits, des gens gros, des gens qui sont différents de la norme. En tout cas, les Sims étaient très normaux sur les premiers épisodes, ils étaient très longilignes, un peu plus ou moins musclés et tout. Maintenant, on peut vraiment faire un sim à son image, et ça joue aussi sur le succès qui dure du jeu. C'est-à-dire qu'il s'adapte aussi au fait que ça aide aussi les gens à s'accepter, je pense, de jouer au sim. C'est-à-dire qu'on peut se reproduire très fidèlement à l'intérieur et se trouver beau aussi, se trouver bien habillé, et voir qu'on peut avoir une vie parfaitement normale et intégrée dans la société, quelles que soient nos différences physiques, en tout cas. Alix Martineau, est-ce qu'il y a une dimension de répétition de la vraie vie dans les Sims? C'est-à-dire, est-ce qu'on s'entraîne d'abord quand on a une décision à prendre ou quelque chose à faire? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'essayer dans le monde des Sims et se dire, ok, ça a l'air de passer, je vais le faire en vrai? Alors, moi, j'ai très rarement joué de façon à reproduire ma vie, en fait. Moi, j'ai une manière de jouer qui est... Par exemple, je vais vraiment faire le quartier ou la maison, donc je vais avoir des projets architecturaux incroyables, toujours essayer de contourner un peu les règles. En fait, je joue beaucoup avec les cheat codes, donc voilà. En c'est fait, des codes de triche qui permettent de ne pas travailler et d'avoir de l'argent. De ne pas travailler, d'avoir de l'argent. De remplir tous les besoins, en fait, donc de réaliser plus un film que de faire la vraie vie, en fait, parce que les Sims, c'est aussi venu avec la télé-réalité, et on voit des gens dans la vraie vie, et moi j'aime plus les films, du coup, et j'ai tendance à créer plus des histoires qu'à reproduire ma vie, en fait. Et est-ce qu'on peut être un criminel dans les Sims? Oui, ouais. Tout à fait. Oui. Il y a une aspiration criminelle, et dans les Sims 2, la dernière étape de la carrière, c'était de partir tous les soirs à 23h, en déguisant en bandit, en partant dans une limousine, et de revenir le lendemain à 7h, après avoir passé une nuit à faire le crime. Mais c'était déjà possible, en fait, dans les Sims 1, parce que dans les Sims 1, donc, on trouvait trouver son travail dans les journaux ou sur l'ordinateur. Donc dans le journal, il y en avait un par jour, et parfois c'était juste être criminel. Donc on dit oui, et puis voilà, on part au boulot comme tout le monde. C'est un métier. Ouais, c'est un métier. Voilà. La pègre. Alors, je suis entouré par des experts, mais le sont-ils vraiment? Vous l'avez deviné, c'est le moment du détecteur de mensonges. Je vais vous poser des questions extrêmement pointues concernant les Sims. Saurez-vous y répondre? Est-ce que quand vous vous cognez le petit orteil dans une table basse, que votre tartine tombe du mauvais côté et qu'il vous arrive des grosses galères, vous avez le sentiment d'être un sim, c'est que le joueur qui vous contrôle est particulièrement cruel? Un petit peu. Moi, je parle en simlish quand c'est comme ça. Quelque chose un peu dans ce délire-là. Exact. Donc, ça vous arrive aussi? Ça peut m'arriver, oui. Très bien. Dans la Bible, Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils. Il teste la foi de Job en lui faisant perdre ses biens. Puis il noie l'humanité sous un énorme déluge. Est-ce que l'Ancien Testament, ça serait pas le premier Sims non officiel? C'est possible. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Personne se prononce, si, Océane? Elle s'est avancée. Si, c'est complètement possible. D'accord, bien sûr. Dernière question, est-ce que ça ne vous met pas les nerfs, de temps en temps, de voir vos Sims réussir à avoir une meilleure vie que vous? Chaque jour qui passe, oui. Parce que moi, quand j'ai pris un fou, j'y ai joué, j'étais en studio, et il avait une baraque énorme, donc du coup, j'ai ôté les portes. Voilà, il pouvait plus sortir. Moi, j'étais très longtemps spécialiste du meurtre involontaire de Sims, donc je préfère... Ouais, involontaire. Involontaire. Oui. Moi, c'était très volontaire à chaque fois, j'aime bien leur mettre la misère à mes Sims. Ça, on va y venir quand même. Il y a quand même une dimension hyper mégalomane dans les Sims. Absolument. C'est... Parce qu'on contrôle leur destinée, on arrive à influer, leur libre arbitre est quand même assez limité par rapport à ce qu'on peut leur faire faire ou leur faire arriver. Complètement, oui. Ouais. Eh bien, écoutez, après cette mise en abîme, on va écouter Métronomie, avec un titre qui est un véritable défi à mes capacités de linguiste. Il nous interprète Salt Caramel Ice Cream. Thank you. c'était Métronomie. Blockbuster, Frédéric Sigrist. I am your father. Sur France Inter. Barbara. Bartley! Oh. Ducky! Oh. Quack! Alors là, je ne me garderai bien de traduire parce que il vient de se passer un moment très très hot entre deux Sims qui viennent de s'envoyer en l'air. Voilà. Donc j'aimerais justement qu'on parle de cette langue, le Simlish. Absolument. Qu'est-ce que c'est, NS, le Simlish? C'est une langue que nous ne pouvons pas comprendre. D'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'il y a certaines personnes qui disent, qui mettent des commentaires en disant « Pourquoi je comprends pas quand les Sims y parlent? Il n'y a pas moyen de le mettre en français ?» Et en fait, c'est compliqué d'expliquer à quelqu'un que c'est une langue qu'on ne peut pas comprendre justement et qu'on s'ennuierait d'ailleurs, je pense, si on savait ce qu'ils disaient parce que les interactions, parfois, discuter de la pluie et du beau temps... Ça va 2 minutes, quoi. Et c'est une volonté de l'auteur, justement, de ne pas être, de ne pas être compris et d'être international, en fait. C'est ça. Mais c'est pratique aussi, c'est-à-dire que le jeu, il peut sortir dans tous les pays, il parle toujours la même langue. C'est une langue qui réunit les gens, finalement. Quand on dit n'importe quoi, effectivement, ça réunit les gens. Et il y a aussi cette notion d'argent, le Simflouz. Oui. C'est quoi cette monnaie? C'est une monnaie, la monnaie des Sims, comme ça pourrait être des euros, des dollars, ça a juste pas de cours à la bourse, quoi. Mais sinon, elle existe et puis c'est facile d'en gagner, plus facile que le vrai argent, puisqu'on peut faire des codes pour en avoir. Les Sims peuvent le gagner en travaillant ou sans travailler, en se mariant avec quelqu'un, puis le tuant, par exemple. Le truc comme ça, quoi. Wow. Bon, ce qui est terrifiant dans cette histoire, c'est surtout le côté désinvolte avec lequel vous dites ça. C'est notre quotidien. Oui. On se marie avec quelqu'un, on le tue et... Non, mais par exemple, ou alors on l'enferme à la cave et on le fait gagner encore plus d'argent en faisant, je sais pas, de la peinture ou du jardinage et puis en vendant tous les produits. Il y a moyen de faire des choses. On peut exploiter ces Sims? Oui, absolument. Bien sûr, oui. D'accord, ok. Donc en fait, c'est vraiment un laboratoire de tout ce qu'on peut faire de pire dans une société. Exactement. Ou de meilleur, ça dépend. Oui. Ça dépend vraiment. Enfin, c'est... Le jeu est à l'image de ce qu'on en fait, en fait. Donc voilà, si vous êtes un monstre en vous... j'assume totalement. Hein. Mais ce qui est intéressant avec le Simflouz aussi, c'est que c'est une subsistance du jeu vidéo, je sais pas comment l'expliquer, mais en fait c'est un peu le score, l'argent, et c'est quelque chose qui fait que les Sims aussi, à mon avis, c'est ce qui explique le succès de la série, c'est que ça parle aux joueurs qui cherchent un défi, donc qui veulent vraiment jouer les règles du jeu, gagner de l'argent en travaillant, trouver des astuces et tout, et à ceux qui ne veulent pas, parce que les codes sont extrêmement faciles à trouver, et ils étaient intégrés dans le jeu, donc c'est bien que les concepteurs ont voulu que ça puisse être possible, qui permet d'avoir de l'argent illimité et de jouer autrement. Et donc ça réconcilie un petit peu les joueurs qui cherchent un défi et ce qu'on appelle le casual gamer, le joueur un peu plus occasionnel, qui lui va juste y trouver quelque chose pour se détendre et se changer les idées. Et c'est aussi ce qui fait... les Sims étaient aussi un des premiers jeux, justement, qui s'adressait aussi aux non-joueurs, qui voulaient ramener des gens en leur disant « Non mais si, regardez, c'est facile, c'est une simulation de vie, c'est vous faites comme dans la vraie vie et tout ça. Et puis si vous avez du mal, c'est pas grave, vous faites ce code-là et vous aurez de l'argent. » Et c'est ça aussi, ça a un petit peu réconcilié, en fait, deux types de joueurs, les Sims. Alors, tout comme ses propres enfants, on est responsable de ses Sims. Mais quand on voit la psychologie de certains joueurs, et on en a un parfait échantillon autour de cette table, est-ce vraiment une bonne idée de laisser autant de responsabilités aux gens? C'est la séquence « J'aime pas ». J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Et j'ai donc fait une petite compile des pires tortures, des pires morts et des pires choses infligées aux Sims par les joueurs. Alors, premier témoignage... Une fois, j'ai noyé un Sim, puis j'ai fait en sorte que tout le monde vienne à son enterrement en maillot de bain. On peut faire ça, donc? Oui. Tout à fait. On organise une fête et puis on fait tenue maillot de bain. D'accord. Question suivante. Voilà. Proposition suivante de décès pour Sim. J'ai affamé mon Sim et j'ai ensuite sournoisement commandé une pizza. Quand le livreur est arrivé, il a pris la pizza et je lui ai fait jeter à la poubelle. Il a pleuré. Ma prison remplie d'artistes esclaves était assez sinistre. Ils avaient seulement une cellule, un lit, des toilettes, un lavabo et une table de dessin. Il y avait un gardien qui vivait au-dessus d'eux, au rez-de-chaussée. Toutes les cellules étaient souterraines, bien sûr. Ils cuisinaient pour eux, mais ils ne pouvaient manger que s'ils avaient créé une œuvre vendable. La plupart d'entre eux sont devenus fous et sont morts. Ça reproduit l'éditeur de jeu, en fait. J'avais l'habitude d'exposer des cheminées partout dans une pièce et je les allumais. Je rassemblais ensuite des Sims et une fois qu'ils étaient là, j'achetais des tables en bois pour remplir la salle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Comme ça, ils ne pouvaient pas échapper au feu qui brûlait les tables devant eux. C'était une mort terrible. J'ai déjà fait ça. Une fois, après avoir rompu avec un mec, je l'ai invité et je l'ai noyé, juste pour garder sa pierre tombale pour notre enfant illégitime. Ça paraît terrible, dit comme ça. Voilà. Et après on critique Doom. Voilà, donc effectivement on critique Doom, Mortal Kombat, mais de mémoire de joueur, je n'ai jamais vu des scénarios aussi tordus. Alors j'ai le mien aussi, c'est que j'avais créé moi-même et mon copain dans les Sims. Et le Sim de mon copain m'avait demandé en mariage. Mon Sim avait refusé, bizarrement. Et ensuite, en voulant cuisiner un sandwich au fromage fondu, justement, la maison avait brûlé, elle est morte. D'accord. Je sais pas ce que ça veut dire au niveau psychanalyse, mais j'ai eu très peur. Mais c'est intéressant parce que les Sims, quand ils meurent, il y a des pierres tombales. Oui. Et après, ils peuvent revenir en tant que fantômes. Ouais, en personnage non jouable, mais ils sont dans la maison, ils se promènent comme ça. Ou en personnage jouable. Oui. Si on leur fait de l'ambroisie, ils vont. Ou alors non. On peut l'ajouter au foyer et après, si on fait de l'ambroisie, le Sims revient à la vie et n'est plus un fantôme. Et ça peut être rigolo. Surtout s'il a des descendants. Et qui rencontre ses descendants. Alors, voilà. Les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais la gourmandise qu'il y a dans le regard de NS quand elle dit ça me fait vraiment m'inquiéter énormément. S'il y a des psys qui nous écoutent et tout ça, je peux vous donner ces coordonnées. Non, mais c'est terrifiant quand même. C'est amusant. Ça fait partie du côté loufoque dont je parlais tout à l'heure, en fait. On peut faire beaucoup de choses. Et il n'y a pas de limite, et même parfois il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé et qu'on se dit, mais ils ont vraiment fait ça? Bah oui, ils l'ont fait. et Alix Martineau, vous aussi, vous aimez faire souffrir vos Sims? Moi j'en ai tué beaucoup, mais alors pas forcément les miens, parce que moi j'avais quand même une attache aux Sims, parce que je suis assez perfectionniste, donc du coup je passais énormément de temps à les créer et ensuite à créer leur maison et tout, donc il ne fallait pas non plus que mon travail serve à rien. Donc en général, soit je me mariais avec le propriétaire de la maison, la plus grande maison du quartier, et puis ensuite lui je le tuais. Elles viennent de se faire un check autour de la table et tout ça. Mais ce qui est formidable, c'est qu'avec cette émission, on a pour but de faire découvrir aux non-joueurs la complexité d'un univers. Et là, j'imagine qu'il y a des auditeurs qui sont mais horrifiés de ce qu'ils entendent. Mais c'est pas possible. Et dire que je l'ai offert à mon petit-fils. Et c'est l'émission la plus flippante auquel j'ai jamais participé. Hein. Bon, depuis les débuts de Blockbuster Resident Evil, c'est rien. Mais oui, c'est rien à côté. Hein. Et il y a aussi cette dimension qui m'intéresse. Par exemple, dans Zelda, le dernier Zelda, on a la possibilité de se sustenter de manière végétarienne totale. Est-ce que dans les Sims, vu que c'est vraiment un mode de consommation très libéral, est-ce qu'on a la possibilité de devenir un altermondialiste dans le monde des Sims? C'est-à-dire être dans une agriculture locale, voilà, pas forcément travailler comme un couillon pour aller gagner des milliers des cents. Oui, tout à fait. On peut pêcher, donc manger le poisson ou le vendre. On peut aussi cultiver son propre jardin. Donc à chaque nouvelle extension, il y a de plus en plus de fruits, de légumes et aussi de fleurs qu'on peut faire pousser. Donc un Sim peut totalement vivre de manière végétarienne. Et d'ailleurs, quand on veut faire cuisiner un plat à un Sim, il y a un onglet qui apparaît en disant cette option est possible pour les Sims végétariens. Donc on peut vraiment adopter le mode de vie qu'on veut pour son Sim. Donc parfois il va vouloir manger aussi du tofu, par exemple il y a du tofu qui est apparu. Il va pouvoir manger vraiment des alternatives sans viande, cruelty free. Il peut faire ça à ses Sims. Donc c'est vrai que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça, on peut encore ajouter un peu plus de réalisme aussi. Et dans la dernière extension avec des îles paradisiaques, il y a aussi une carrière écologique. Et si on nettoie suffisamment les plages, on peut voir l'écosystème vivre à nouveau en harmonie avec la nature. Donc il y a une portée écologique en tout cas sur les Sims 4 qui apparaît et c'est très plaisant. J'espère vraiment qu'ils continueront dans cette voie en tout cas. Et il y a encore autre chose pour répondre à l'autre question, c'est qu'on peut maintenant vivre hors réseau. C'est-à-dire qu'on ne paye pas les factures, mais on n'a pas d'électricité du coup, pas beaucoup d'eau, etc. Et on vit un peu à la Robinson Crusoe et puis... on se fait notre maison sans... On sans peut vivre maison. Dans une ZAD à l'intérieur des Sims. Non, c'est pas ce que je dis. Mais non, mais on peut vivre sans avoir besoin de payer les factures déjà. Et les factures sont assez conséquentes dans les Sims, donc ça peut être pas mal. Et il suffit juste de s'éclairer à la bougie et de prendre des douches de temps en temps, quoi, mais pas tout le temps. Et pour ce qui concerne les naissances, est-ce qu'on a la possibilité d'être entre couples du même sexe? Est-ce que toutes les problématiques autour de la PMA, GPA, est-ce que c'est abordé par les signes? En tout cas, on peut faire se marier deux personnes du même genre entre elles. Ça, c'est possible depuis le tout début. Et d'ailleurs, ça avait été un objet de dispute entre Will Wright, justement, et les développeurs du jeu, qui se sont posés de nombreuses questions, à savoir, est-ce qu'on inclut les mariages homosexuels dans les Sims? Et finalement, Will Wright a gagné la bataille et il a pu inclure les mariages du même genre dans les Sims. Et d'ailleurs, cet été, il y a un petit pack d'objets pour les Sims 4 qui sont sortis avec des drapeaux de la communauté LGBT, des maillots de bain et des t-shirts avec des messages de tolérance. Donc là encore, les Sims se veut assez progressiste. Et moi, dès 13 ans, j'ai pu marier des Sims, deux femmes entre elles. Et c'était quelque chose que je ne pouvais même pas penser dans la vraie société. Donc en soi, ça a été en avance sur son temps. C'est aussi ce qui fait d'ailleurs que le jeu est globalement tout public partout dans le monde, sauf en Russie, où il est interdit aux moins de 18 ans, uniquement parce qu'il y a la possibilité de faire des mariages de couples du même genre. Lido, oh ho. Ah, Vadish. Orky, Weevil Skloon, Zora Zimbera. Bor, you threw your palifa. Your flaw, Blinda, Newbie. Dans la communauté de joueurs qui jouent aux Sims, est-ce que c'est plutôt une majorité de garçons, une majorité de filles? Comment ça se répartit? C'est d'après les statistiques YouTube, en tout cas les gens qui me regardent sont principalement des femmes. Mais il y a quand même des hommes. Faut pas, je dirais 70% des personnes sont des femmes, 30% des hommes. Je pense, je veux pas dire de bêtises, mais d'après en tout cas les sondages que je vois, c'est plutôt ça. Et comment on explique ça? Parce que c'est un jeu de gestion, je pense que les garçons vont plus avoir envie de faire comme tout le monde en jouant aux jeux qui sont dits pour les garçons, ce que je trouve vraiment ridicule, mais il y a des jeux qui sont dits pour les garçons, ils vont jouer par exemple à Counter-Strike, à Call of, à tout ce qu'ils veulent, et puis ils vont dire « Ah ben non, les Sims c'est un jeu de filles !» Et les Sims c'est facile, c'est pas vraiment un jeu vidéo, il y a cette notion aussi là qui est souvent abordé, le fait que les Sims n'est pas un jeu vidéo, alors que ben, c'en est totalement un. Hein. Et du coup, je pense qu'il y a pas mal de garçons qui se disent « Ouais, mais si je joue à ça, du coup, c'est peut-être plus un jeu pour les filles », alors que ben, il y a de plus en plus de garçons, je pense, aujourd'hui, qui jouent aux Sims et qui, justement, ben, se rendent compte que c'est difficile aussi. Océane ? Je pense aussi que la communauté féminine a un jeu auquel elle peut, dans lequel elle peut reprendre le contrôle. Par rapport à la société, où je vois que toutes mes copines filles qui jouent, elles se créent des carrières, des maisons pour les femmes qui sont parfois inatteignables dans la réalité. Et pareil, j'ai beaucoup d'amis issus de la communauté LGBT qui y jouent, justement parce que les mariages sont autorisés, ce qui n'est pas encore le cas dans le monde entier. Et je pense aussi que c'est un aspect un peu émancipateur, c'est-à-dire qu'on peut se recréer une vie qu'on voudrait, mais à laquelle la société n'a pas encore envie de nous la donner. Je pense qu'on essaie de prendre de l'avance sur la société en jouant aux Sims. Et c'est vrai que par exemple, moi je me suis créé une carrière de grande journaliste. Et ben, je me dis peut-être qu'un jour je le saurai, mais en attendant je le suis dans les Sims. Donc il y a une partie de nous où on peut être ce qu'on veut, même si ce ne sera pas forcément le cas dans la vraie vie. Donc le but des Sims, finalement, il y en aurait un, mais il est laissé à la discrétion de chaque joueur. C'est-à-dire c'est se ça. Créer la vie dans laquelle, ouais. Ou la société dans laquelle il aimerait vivre. Complètement, ouais. Je pense que c'est chacun a son petit jardin secret dans les Sims, chacun se crée son souhait. Et moi je sais que quand j'étais adolescente, ben, je me crée et je crée aussi les garçons dont j'étais amoureuse pour qu'on se marie. Parce que je savais que ça ne se produirait pas dans la réalité, mais au moins ça s'était produit quelque part sur une plateforme dans une vie. Alix Martineau ? Comment j'aimerais avoir votre avis aussi sur le fait que voilà ce jeu plaît beaucoup plus aux filles qu'aux garçons. Moi, je veux dire qu'en fait, je jouais quand donc j'ai découvert ça assez jeune et je jouais notamment au Sims 2 beaucoup avec mes amis. Donc on passait l'après-midi chez l'une chez l'autre et puis on jouait ensemble. Et en fait, c'était comme une évolution de jouer au Barbie ou au Playmobil et à la poupée. En fait, c'est enfin on a comme des Barbies, mais qu'on peut créer vraiment de toutes pièces. Et donc c'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai que mon frère jouait aussi avec moi au Playmobil et on faisait des grandes installations partout. Mais lui, il est plus parti dans les jeux vidéo de guerre parce que je pense que c'est au niveau du marketing aussi, c'est plus brandé garçon. Donc les Sims, c'est assez neutre au niveau du genre. Mais pour autant, je sais pas, les filles vont plutôt vers là. On a un contre-exemple autour de cette table, ouais. Olivier. J'ai joué aux Sims aussi, oui. J'avoue. Il y a un truc intéressant aussi, c'est, enfin, qui je pense explique le succès principalement chez un public féminin, c'est que les Sims justement ne s'adressaient pas à un public particulier. Contrairement à beaucoup de jeux à l'époque, dans les années 90, le jeu vidéo c'était quelque chose qui était très genré. C'est pour les garçons ont des consoles de jeux, donc faut faire des jeux de guerre, donc faut faire Tomb Raider, donc faut faire des choses comme ça. Et les Sims, c'est pas que ça s'adressait au public féminin, c'est que ça s'adressait à tout le monde. Ça disait. Vous êtes un garçon, une fille, vieux, jeune ou pas, c'est pas grave, vous allez comprendre notre concept, c'est très simple, et puis vous allez vous amuser avec. Et comme, au final, on s'est rendu compte, et l'histoire est allée dans ce sens-là, qu'il y a de plus en plus de joueuses, justement, globalement, si on compte tous les types de jeux, je crois que les joueuses, en tout cas en France, sont plus nombreuses statistiquement que les joueurs, et ben forcément, il y avait un public plus important du côté des femmes, en fait, qu'on a découvert avec les Sims, mais le fait de s'adresser à tout le monde a fait que ça reproduit, en fait, le panel de l'ensemble des joueurs. C'est comme si c'était un jeu universel. Il y avait plus de femmes potentiellement qui pouvaient jouer, donc elles sont arrivées là. Et puis il y avait aussi le côté très accessible. Encore une fois, c'était des clichés aussi, mais on disait que les garçons comprenaient mieux comment ça marchait les jeux vidéo parce qu'ils étaient habitués, blablabla. Alors qu'en fait, non, on se rendait compte que quand on prenait deux minutes pour expliquer à n'importe qui, homme ou femme, comment fonctionne un jeu vidéo, bah ça marche en fait. Surtout un truc comme les Sims qui est très simple. Et dernier truc à mon avis qui a expliqué le succès auprès de tous ces publics, c'est le fait que c'est sorti sur PC et Mac au départ et que du coup ça n'impliquait pas d'avoir un matériel spécifique. Pour jouer, il n'y avait pas besoin d'avoir une console. Donc les garçons avaient beaucoup des consoles de jeux, mais les filles aussi pouvaient avoir à la maison l'ordinateur de la famille, les choses comme ça, et pouvaient du coup très facilement dire « Ah bah pour, je sais plus, 40 ou 50 euros, maman, tu peux m'acheter ce jeu-là, ça coûte pas très cher, et puis du coup tu l'installes sur le même ordinateur que celui où je travaille. » Et voilà, et du coup ça a amené tout ce nouveau public, y compris féminin, particulièrement féminin, aux jeux vidéo et aux Sims. Et avec le passage des Sims 3 aux Sims 4, on a perdu cette dimension de monde ouvert. Par contre, dans les Sims 3, on pouvait le Sims pouvait sortir de chez lui, se promener dans la ville, aller un peu plus loin. Il n'y avait pas d'écran de séparation avec un temps de chargement. Avec l'opus numéro 4, ils sont revenus là-dessus. Pourquoi ? Pour justement pouvoir toucher une plus grande communauté de joueurs, parce que on n'a pas tous un ordinateur qui marche. Comme pas possible et qui c'est on n'a pas tous des bêtes en fait donc on peut pas faire tourner tous les jeux de manière fluide et le but des Sims pour les Sims 4 c'était vraiment que tout le monde puisse faire tourner le jeu quel que soit l'ordinateur et que ce soit un minimum fluide donc mis à part les graphismes qui peuvent vraiment énormément changer les meilleurs graphismes n'ont rien à voir avec les pires c'est deux jeux vidéo vraiment différents mais à côté de ça le monde fermé finalement on va l'appeler comme ça ça permet que ça ne bug pas ou que ça bug moins en tout cas que ça aurait bugué s'il y avait eu ce monde ouvert d'ailleurs pour les Sims 3 c'était un peu catastrophique pour ceux qui avaient un ordinateur sur lequel ça tournait mal parce que c'était presque impossible de jouer quoi. Dernière question rapidement, est-ce qu'il y a un Sims 5 en préparation ? Alors, d'après ce que je sais, pas encore. Parce que l'équipe de développement des Sims 4 est vraiment a encore envie de sortir beaucoup de choses. Après, je ne sais pas tout, donc peut-être qu'il y a un Sims 5 en développement. Mais vu de ce qu'ils nous disaient, ils en ont encore pour quelques années de contenu. Et d'où il y a eu un nouveau design qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et c'est justement pour relancer le jeu pour qu'il puisse en fait durer plus longtemps et parce que l'équipe de développement a énormément d'idées et de choses loufoques encore à nous faire découvrir. Dans quelques instants, on va jouer avec un auditeur amateur des Sims, mais avant cela, on va écouter Marie-Fleur avec QCC. Cette émission est réalisée par Papago, Céline Hila, à la programmation musicale Batekoko, Elsa Béranger, Potopi et Vouhou. Marie Mougin et Chloé Brassière ont préparé cette émission, aidée par Aurore Mansip et à la technique aujourd'hui, Petopo et Toti, Loïc Frapsos et Tristan Gratalon. Je sais que tu remballes tes caresses, je préfère que tu me blesses. T'es déjà loin du rivage, en sevrage sur la plage, chez toi j'emmène pas large. Chez toi, sixième étage, je suis prise d'envie sauvage, de clair-obscur caravage. Dans mes yeux, c'est l'automatique arrosage. J'ai du billet filigrane avec la face de Reagan. Et si tu veux, je te dépanne. Moi, je connais toutes tes faille. Soirée paille en pagaille, c'est pas gay, tu te fais mal. Moi con que t'as pas d'âme, mais moi je veux être ta femme. Tout mon corps te réclame. Dans mon cœur c'est automatique arrosage. Et si tu veux, on parle de nous. Sauf si tu décides qu'on s'en fout. Ouais, moi pour toi, je suis prête à tout. Ouais, moi je donne le tout pour le tout. Mais si tu veux, on parle de nous. Ouais, moi j'aimerais qu'on parle de nous. Ouais, moi pour toi, je suis prête à tout. Ouais, moi pour toi, je suis prête à tout. À te mentir, prétendre que je m'en fous. À te mentir, prétendre que je m'en fous. Que si tu crèves, c'est rien du tout. Que si tu crèves, c'est rien du tout. Que si tu crèves, c'est rien du tout. Que si tu crèves, c'est rien du tout. C'était QCC de Marie-Flore et maintenant on joue. Attention, qui que vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Sur France Inter. Et aujourd'hui, on a Clémentine au téléphone. Bonjour Clémentine. Bonjour Frédéric. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui, alors je suis un petit peu effrayée. J'ai entendu plein de scénarios terribles autour des Sims. Dites-moi que vous êtes plus gentil avec les vôtres. Pas spécialement, après... Ah bah voilà. Ils sont tranquilles depuis un moment parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais voilà. Bon, on va voir si vous avez quand même bien retenu les bases. Vous connaissez le principe du jeu? Oui. Je vous pose 3 questions en 25 secondes chrono. Si vous ne pouvez pas répondre, que vous faites une erreur ou que vous avez dépassé le temps imparti, vous avez droit à un joker qui vous donne le droit d'être aidé par l'invité de votre choix. Oui. C'est parti. Première question. Comment s'appelle le langage des Sims? Réponse A, le Simflouz. Réponse B, le Simlish. Réponse C, le Soumsoum. C'est le Simlish. Le Simlish, bonne réponse. Bon, c'était simple. Deuxième question. Quel est le code de triche pour gagner 50 000 Simflouz? C'est Motherload. Oh là là. Oui, enfin, ça fait longtemps qu'on n'y a pas joué, mais quand même, il y a des trucs qu'on s'en souvient bien. Hein. Ah bah ça, c'est le reste. Troisième question. Quelle célèbre youtubeuse qu'on va écouter a chanté pour les Sims? Voici une petite chanson sur la ville où nous vivons pour vous souhaiter la bienvenue. Salut. Il y a plein de choses à voir, des mystères, des histoires, juste au coin de la rue. Chaque soir est merveilleux, des chevaliers autour du feu, la fête jusqu'au bout de la nuit. Donc alors, quelle célèbre youtubeuse a chanté pour ses Sims? J'aurais dit Natou. Natou? Non. C'est pas Natou. Est-ce que vous voulez faire appel à un joker? Je veux bien, s'il vous plaît. Alors, qui choisissez-vous? NS. NS. Alors, je repose la question. Quelle célèbre youtubeuse a chanté pour les Sims? C'est Lola Dubini. Bonne réponse! Eh bien, Clémentine, vous avez gagné le jeu d'origine Les Sims 4, plus le dernier DLC des Sims 4, c'est-à-dire l'extension sortie intitulée Les Sims 4, île paradisiaque sur PC. Bah, merci beaucoup. Mais merci à vous. Je pensais demander pour mon anniversaire, donc c'est parfait. Bah, vous savez, avec Blockbuster, c'est tous les jours votre anniversaire. C'est gentil, merci. À bientôt, Clémentine. À bientôt, au revoir. Au revoir. Donc, on l'a déjà dit, on ne sait pas s'il y aura un Sims 5. Sims 4 est toujours disponible sur pratiquement tous les supports, si je ne m'abuse. NS Oui, PlayStation, Xbox, PC, Mac. Voilà, donc si on les peut gens même jouer avec Alexa. Oui. Voilà. Donc si les gens ont vraiment envie de torturer et de martyriser des Sims, c'est possible sur absolument toutes les plateformes. C'est possible. Il y a même une version des Sims, c'est les Sims Mobile. Le jeu n'a rien à voir avec celui qui peut être sur console ou celui qui peut être sur PC, mais il y a une version Les Sims Mobile aussi. Eh bien, merci pour ces renseignements. NS, Alix Martineau, Océane Zerbini et Olivier Bénis, merci d'avoir été avec moi pour parler des Sims. Cette émission touche à sa fin. Comme toujours, si vous le désirez, chers auditeurs, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 hein, pour nous dire ce que vous avez ressenti par rapport à l'évocation des Sims ou nous parler d'autres sujets. N'hésitez pas, c'est votre émission. Il y a également la page Facebook de l'émission et il y a également Twitter avec le hashtag Blockbuster EFI. Oh, you destiny. Et on se retrouve demain pour parler flux sanguin et couple avec une grosse différence d'âge. On parlera de Dracula de Bram Stoker.